Tous ces salauds pour l'argent, non plus d'ego. Le pouvoir détruit les humains. De morale que du chagrin. Ce style de vie n'est pas le mien. Cet enfer, j'ai grand besoin de prendre l'air. C'est nos enfants qui vont payer. Un jour ou l'autre, ça va craquer. Allez, debout, changeons l'histoire. Si on attend, il sera trop tard. Prenons le pouvoir. Et tous ensemble on peut y croire. Accordé ou pas accordé, je m'en fous, elle est vieille. My guitar, not really good tuning because all guitar must, comment on dit en français, ça fait chier de parler anglais. Bon, enfin, faut la faire régler quoi, merde. Et pas mal ta basse. Thank you. qu'on en fait. I'm the one to surf on the mind. I was there till my mother said, once I know more, yeah. Thank you. Thank you. Thank you. morceau de reggae, mais je crois que Arnaud il veut faire plutôt autre chose. Alors tu vois, on va changer, c'est pas grave, on va s'adapter avec Arnaud. Et normalement il jouait de la batterie. Parce qu'on fait encore de la musique en la commune. Marcus est parti pour aller dîner. Et toi, Lisa, qu'est-ce que tu fais? c'est moi qui suis décalé. Tiens, Sharon, ça faisait un moment. Heureusement, il y a un piano. La résistance est organisée de tous les meilleurs éléments. Elle a su s'entourer. Cette fois, c'est clair. Le mouvement est lancé. Pas du tout sur le style. I'll meet you at the Green Park in front of my squad, shining on the guitar that was always been fair. I'll meet you at the Green Park in front of my squad, shining on the guitar that was always been fair. Woman, no, I know you. There's no more room to take in my heart, to take in my heart. Come, come, write your name on what's happy day. Oh, please come, follow my way. Oh, please come, follow my way, woman. I want your love, woman. I need it to live. No, I know the day is gone and I will never be alone. Open up your answer and know you are mine. It's easy for you as for the yellow so shine. Woman, no, I know you, I do declare. There is no more room to take in my heart. Woman, no, I know you, I do declare. There's no more room to take in my heart. Je pose la guitare qui est toute désaccordée. Just a minute, please. Oh, ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma. Yeah, oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. I meet you at the Green Park and fall to my squad, shining all the deep dark that was always been there. parti là. Just a minute. Just a minute. Ok. Thank you.